J'achetais l'amitié, puis l'amour de cette pute. Un resto quelques ciné, sa main dans mon calbut. Du ralice contre ta vie, ça existe ici. Pour 4000 airs, ça débat. De Bosnie, le drap pas compris. J'ai racheté la vue à ma mère au laser. Maintenant, c'est pépère, elle peut même faire du CR. Machallah, y'a 10 piches, ça existait pas. On t'est soigné à la pâte de poulet, à l'huile d'avocat, fleur d'oranger, ça ira. Même une bastos dans le bras. T'achètes pas ton retard, ni l'air que tu respires. Et puis ces chiens, on bibi les frères en poupou. Donc caster si ma que je m'en bats les yeux coups. Tu veux quoi? Si je l'ai pas, je te le chercher sur Mars. Un hélico, un commando, l'escadrille débloque le sas. Bicrap, bicrap, bicrap, bicrap, bicrap, bicrap, bicrap, bicrap. Bon, débit des boîtes, défait des fonds, allonge, allonge le bif, l'escadrille. Ça, tu t'en rumes, on va trop vite. T'as qu'à des coups, 13 prends le cash. Moi je prends le calache, appelle 16, on s'arrache. Tandis que devant moi se tenait debout Natacha. J'allais juste là, poc poc, bouillakacha. Quand mon téléphone sonne, c'est l'associé à Chacha. Oh chérie, bouge ta sache que le biz n'attend pas. Wesh mon Renoir, il dit que c'est arrivé. Je réponds, moi j'étais à deux doigts. Il s'en fout, il raccroche, il comprend pas. Bref, la tchaga viré, moi touché. En remontant mon fut, je me dis zut, on s'est même pas touché. Non, le somme il somme, mais de spi je dois rejoindre You, c'est le Sami Sam. J'ai à récupérer du clic clic boum, de la vraie dynam. Frérot, rien quand j'y pense, je suis dur de partout. Jette un sac vide dans le coffre du carlouche. Souris comme si j'avais la vie d'un partouche. Mon money, mon problème, je vais m'en chercher. Comme le chef de la BB Bill Gates. Bientôt à la bourse de Paris Wall Street pour les States, enfoiré. Y'en a qui bicrave de la cesse, moi j'te bicrave un gros 16. Ça fait longtemps que j'suis dans le jazz. Faut du pèse ou t'es de la baisse. Dans la sap, les juges délibèrent de peine moins lourde. Sur le palier des frères de délibère, c'est chacun son tour. Y'a des sapes, des stupes ou bien des services. Location, gauve, restauration, rapide ou bien lente. Revente de plantes, séchées ou bien vivantes. Y'en a qui se foutent de ce qu'ils vendent, tant qu'y'a de l'oseille qui rentre. Des cœurs, des poumons, des caisses de bourbon, des armes anti-bourbier, des papiers pour les frelons. Revente de voitures, pétant ou bien en règle. Y'a des faux cosses là, c'est plus des crocodiles mais des aigles. C'est du gros trafic de gangsta music. On veut du beef comme Ribéry au Bayern de Munich. On est les dope boys, un coup de fil à mon hot boss pour lui dire que le produit a déboulé de haute corse. C'est un terrain avec une équipe. Ils défendent leur terrain. Oh, c'est ce qu'on appelle un terrain. Terrain, lâche pas comme ça. Des équipes de, je sais pas, on va dire 15, 20 mecs peut-être, ils sont dessus. Ça va, je te dis, du guetteur au. Là, on va dire jusqu'au mec qui ramène. Après, à ce niveau-là, je pense pas que les flics, ils arrivent à voir plus loin, quoi. Enfin, quand tu vas là-bas, ils savent quand les flics, ils sont en flanc, machin, ils le savent. Ils te disent, tu viens de fais gaffe, et les gueules sont telle voiture, et t'es la même main qui habite là, ils savent tout, tout ce qui se passe dans la cité, ils savent ce qui se passe. Ah ouais, c'est pas des rigolos les mecs. Non, c'est des bons. Parce que les mecs, ils sont super bien organisés, quoi. C'est comme une petite mafia, quoi, on va dire.